personnel, dis-moi ce qui te plaît. Je t'emmène voir ailleurs, ah oui, je suis pas les autres. Je grandis, je suis un homme, je réponds à tes attentes. Avançons à deux, mais pas main dans la main. Et dis-moi ce qui te plaît. En échange, s'il te plaît, viens paniquer ma vie. Vas-y, dis-moi si t'es prêt. J'ai lâché la rue, j'ai plus les deux pieds dans le four. Je vis la nuit, j'ai pas le temps de voir le jour. Je me demande si des fois je suis pas fou. Je peux rien dire tant qu'entre nous c'est flou. J'y crois plus et je m'en tape de l'amour. J'y crois plus et je m'en tape de l'amour. Je continuerai de faire le sourd. God bless baby. Je suis dans la ville, j'ai claqué du mille. J'ai parlé au ruinard et à la mer c'était. Mon cœur s'abîme mais le compte est plein. Tu me verras jamais manger dans la monde secret. Tu me verras jamais manger dans la monde secret. God bless. Et je reste dans la thèse, Gucci sur la veste, tu sais. J'ai promis à ma mère que je lui ramènerai le Q7. Laisse tomber les traîtres, laisse tomber la haine, je donne tout pour la F. Mais t'as vu, je préfère rester seul, yeah. Et vu que maintenant j'ai envie d'aller laver, on a tendance à me dire on part sans toi. Tu sais, dans la vie, tu gagneras jamais, jamais, du moins si t'essayes sans balle. Tu sais, je suis la night, pas le temps pour les rurets. Force des dans ma light, j'y pense pas, je me fais du mal. S'il te plaît, vis ma life, j'apprends tous mes noms. Vas-y, montre-moi comment faire, vu que t'es rempli de commentaires, wesh. Au fond, je sais que tu m'as testé, je vais te le dire, même si c'est fini, tu sais que j'ai pas besoin de toi. Yeah. Je remonte dans mon bolet, j'oublie tes sourires. Oh là là, je connais tes envies. J'ai moi aussi entre nous, c'est solide. Yeah. Je connais tes envies. C'est pas que ça devienne une routine. Yeah. Je te le dis pas, mais t'inquiète, je fais comme si tout allait bien. Yeah, yeah, je te le dis pas, mais je te le dis pas, mais God bless, baby. Je suis dans la ville, j'ai claqué du mille. J'ai parlé au ruinard et à la mer, c'était. J'ai parlé au ruinard et à la mer, c'était. God bless, baby. Mon cœur s'abîme, mais le compte est plein. Tu verras jamais manger.